La marquise de Brinvilliers. Septième partie. On commença l'interrogatoire qui dura 5 heures et dans lequel la marquise dit tout ce qu'elle avait promis de dire, niant qu'elle eût des complices et affirmant qu'elle ne connaissait ni la composition des poisons qu'elle administrait, ni celle de l'antidote par lequel on pouvait les combattre. Puis l'interrogatoire finit et comme les juges virent qu'ils n'en pourraient pas tirer autre chose, ils firent signe au greffier de lui lire son arrêt, qu'elle écouta debout. Il était conçu en ces termes. Vu par la cour, les grands chambres et tournelles assemblées, etc., en conséquence du renvoi requis par ladite Daubray de Brinvilliers, conclusion du procureur général du roi. Interrogé ladite Daubray sur les cas résultant du procès, dit a été que la cour a déclaré et déclare ladite Daubray de Brinvilliers dûment atteinte et convaincue d'avoir fait empoisonner maître Dreux Daubray son père, et lesdits maîtres Daubray, l'un lieutenant civil, l'autre conseiller au Parlement, ses deux frères, et attenté à la vie de Thérèse Daubray, sa sœur. Et pour réparation, a condamné et condamne ladite Daubray de Brinvilliers à faire amende honorable au-devant de la principale porte de l'église de Paris, où elle sera menée dans un tombereau, nu-pied, la corde au cou, tenant entre ses mains une torche ardente du poids de 2 livres, et là, étant à genoux, dire et déclarer que méchamment, par vengeance et pour avoir leur bien, elle a empoisonné son père, fait empoisonner ses 2 frères et attenté à la vie de sa sœur, dont elle se repent, en demande pardon à Dieu, au roi et à la justice, et se fait menée et conduite dans le dit tombereau en la place de grève de cette ville, pour y avoir la tête tranchée sur un échafaud qui pour cet effet sera dressé sur la dite place, son corps brûlé et les cendres jetées au vent. Icelle, préalablement appliquée à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir révélation de ses complices, la déclare déchue des successions de ses dits pères, frères et sœurs du jour des 10 crimes par elle commis, et tous ses biens acquis et confisqués, à qui il appartiendra. Suriceux et autres non sujets à confiscation, préalablement pris la somme de 4 000 livres d'amende envers le roi, 400 livres pour faire prier Dieu pour le repos des âmes des dits défunts, frères, pères et sœurs, en la chapelle de la conciergerie du palais, 10 000 livres de réparation en ladite dame Mongo, et tous les dépens, même ceux faits contre le dit Hamelin, dit Lachaussée. Fait en Parlement, le 16 juillet 1676. La marquise écouta cet arrêt sans frayeur et sans faiblesse. Cependant, lorsqu'il fut fini, « Monsieur, dit-elle au premier greffier, ayez la bonté de recommencer. Le tombereau auquel je ne m'attendais pas m'a tellement frappé que j'en ai perdu l'attention pour tout le reste. » Le premier greffier relut l'arrêt. Puis, comme de ce moment elle appartenait à l'exécuteur, celui-ci s'approcha d'elle. La marquise le reconnut en lui voyant une corde aux mains. Elle lui tendit aussitôt les siennes, le regardant froidement, depuis les pieds jusqu'à la tête, sans lui dire une seule parole. Alors les juges se retirèrent les uns après les autres, et en se retirant, démasquèrent les différents appareils de la question. La marquise jeta les yeux avec fermeté sur ses chevalets et ses anneaux terribles, qui avaient distendu tant de membres et fait pousser tant de cris, et apercevant les 3 seaux d'eau préparés pour elle, elle se retourna vers le greffier, ne voulant point parler au bourreau, et disant avec un sourire, « C'est pour me noyer, sans doute, que vous avez rassemblé tant d'eau, monsieur. Car, de la taille dont je suis, vous n'avez pas, je l'espère, la prétention de me faire avaler tout cela. » Le bourreau, sans lui répondre, commença de lui ôter sa mante et successivement ses autres habits jusqu'à ce qu'elle fût entièrement nue. Puis, il la conduisit contre le mur, la fit asseoir sur le chevalet de la question ordinaire, qui était de 2 pieds de haut. Là, on demanda de nouveau à la marquise le nom de ses complices, quelle était la composition du poison et quel était l'antidote qui pouvait le combattre. Mais elle répondit, comme elle avait déjà fait au docteur Pirot, en ajoutant seulement, « Si vous ne croyez pas à ma parole, mon corps est entre vos mains et vous pouvez le torturer. » Sur cette réponse, le greffier fit signe au bourreau de faire son office. Celui-ci commença à attacher les pieds de la marquise à 2 anneaux placés devant elle, l'un près de l'autre et fixés au plancher. Puis, lui renversant le corps en arrière, il lui fixa les 2 mains aux anneaux du mur, distant l'un de l'autre de 3 pieds à peu près. De cette manière, la tête était à la même hauteur que les pieds, tandis que le corps, soutenu par le tréteau, décrivait une demi-courbe, comme s'il eût été courbé sur une roue. Pour ajouter encore à l'extension des membres, le bourreau donna 2 tours à une manivelle qui força les pieds, éloignés des anneaux d'un pied à peu près, de s'en rapprocher de 6 pouces. Ici encore, nous abandonnons notre récit pour reproduire le procès-verbal. Sur le petit tréteau et pendant le tiraillement, a dit plusieurs fois « Oh mon Dieu, l'on me tue, et pourtant j'ai dit la vérité. » Lui a été baillé de l'eau, s'est fort tourné et remué, et a dit ces mots « Vous me tuez !» Admonesté alors de nommer ses complices, a dit qu'elle n'en avait pas d'autre qu'un homme qui, 10 ans auparavant, lui avait demandé du poison pour se défaire de sa femme, mais que cet homme était mort. Lui a été baillé de l'eau, s'est un peu remué et tourné, mais n'a voulu parler. Lui a été baillé de l'eau, s'est un peu tourné et remué, mais n'a semblablement voulu parler. Admonestée de dire pourquoi, si elle n'avait pas de complice, elle avait écrit de la conciergerie à Penautier pour le presser de faire pour elle tout ce qu'il pourrait et pour lui rappeler que ses intérêts dans cette affaire étaient les siens. A dit qu'elle n'avait jamais su que Penautier eût eu d'intelligence avec Sainte-Croix pour ses poisons, et que dire le contraire serait mentir à sa conscience, mais que, comme on avait trouvé dans la cassette de Sainte-Croix un billet qui regardait Penautier, et qu'elle l'avait vu souvent avec Sainte-Croix, elle avait cru que l'amitié qui existait entre eux avait pu aller jusqu'au commerce de poisons, que dans ce doute, elle s'était hasardée à lui écrire, comme si elle eût été certaine que cela fût, cette démarche ne pouvant gâter son affaire. Car, ou Penautier était complice de Sainte-Croix, ou il ne l'était pas. S'il l'était, il croirait que la marquise était en mesure de le charger, et ferait alors tout ce qu'il pourrait pour la tirer des mains de la justice. S'il ne l'était pas, sa lettre était une lettre perdue, et voilà tout. Lui a de nouveau été baillé de l'eau, s'est fort tourné et remué, mais a dit que, sur ce sujet, elle ne pouvait dire autre chose que ce qu'elle avait déjà dit, car si elle en disait davantage, elle chargerait sa conscience. La question ordinaire était épuisée. La marquise avait avalé déjà la moitié de cette eau qui lui paraissait suffisante pour la noyer. Le bourreau s'arrêta pour procéder à la question extraordinaire. En conséquence, au lieu du tréteau de 2 pieds et demi sur lequel elle était couchée, il fit passer sous ses reins un tréteau de 3 pieds et demi qui imposa une cambrure plus grande au corps. Et comme cette opération se fit sans qu'on donnât plus de longueur à la corde, les membres furent obligés de se distendre de nouveau, et les liens, se resserrant autour des poignets et des chevilles des pieds, pénétrèrent dans les chairs au point que le sang en coula. Aussitôt la question recommença, interrompue par les demandes du greffier et les réponses de la patiente. Quant aux cris, il semblait n'être pas même entendu. Sur le grand tréteau et pendant le tiraillement, a dit plusieurs fois « Oh mon Dieu, vous me démembrez. Seigneur, pardonnez-moi. Seigneur, ayez pitié de moi. » Admonestée, si elle n'avait rien autre chose à déclarer sur ses complices, a dit qu'on pouvait la tuer, mais qu'elle ne ferait point un mensonge qui perdrait son âme. Par quoi, lui a été baillé de l'eau, s'est un peu tourmenté et remué, mais n'a voulu parler. Admonestée de révéler la composition des poisons et l'antidote qui leur convenait, a dit qu'elle ignorait les substances dont ils étaient formés, que tout ce dont elle se souvient, c'est que les crapauds y entraient, que Sainte-Croix ne lui avait jamais révélé ce secret, qu'elle pensait au reste qu'il ne les faisait pas lui-même, mais qu'il lui était préparé par Glaser. Croit se souvenir que quelques-uns n'étaient autre chose que de l'arsenic raréfié, que quant au contre-poison, elle n'en connaissait pas d'autre que le lait, et que Sainte-Croix lui avait dit que pourvu que l'on en eût pris le matin et qu'on en avala une tasse de la valeur d'un verre aux premières atteintes que l'on ressentait du poison, on n'avait rien à craindre. Admonestée de dire si elle avait quelque chose à ajouter, a dit qu'elle avait avoué tout ce qu'elle savait et qu'on pouvait la tuer maintenant, mais qu'on n'en tirerait pas autre chose. Par quoi lui a été baillée de l'eau, s'est un peu tourmentée et a dit qu'elle était morte, mais n'a autrement voulu parler. Lui a été baillée de l'eau, s'est fort tournée et remuée, n'a voulu parler. Lui a été de rechef baillée de l'eau, ne s'est tournée ni remuée, a dit avec un grand gémissement « Oh mon Dieu, mon Dieu, je suis morte !» mais n'a autrement voulu parler. Par quoi, sans autre grief lui faire, a été déliée, descendue et amenée devant le feu en la manière accoutumée. Ce fut près de ce feu devant la cheminée du concierge, couché sur le matelas de la question, que la retrouva le docteur qui, se sentant sans force pour un pareil spectacle, lui avait demandé la permission de la quitter pour dire une messe à son intention, afin que Dieu lui accordât la patience et le courage. On voit que le digne prêtre n'avait point prié vainement. « Ah, monsieur !» lui dit la marquise dès qu'elle l'aperçut. « Il y a longtemps que je souhaite vous revoir pour me consoler avec vous. Voilà une question qui a été bien longue et bien douloureuse. Mais c'est la dernière fois que j'ai à traiter avec les hommes et je n'ai plus maintenant à m'occuper que de Dieu. Voyez mes mains, monsieur, voyez mes pieds. Ne sont-ils pas déchirés et meurtris? Et mes bourreaux, ne m'ont-ils point frappé aux mêmes places que le Christ ?»« Aussi, madame, répondit le prêtre, ces souffrances en ce moment sont-elles un bonheur? Chaque torture est un degré qui vous rapproche du ciel. Ainsi donc, comme vous le dites, il ne faut plus vous occuper que de Dieu. Il faut ramener à lui toutes vos pensées et vos espérances. Il faut lui demander, avec le roi pénitent, de vous donner une place dans le ciel parmi ses élus. Et comme rien d'impur n'y peut pénétrer, allons travailler, madame, à ôter de vous toutes les tâches qui pourraient vous enfermer la voie. » Aussitôt la marquise se leva, aidée du docteur, car à peine pouvait-elle se soutenir, et elle s'avança en chancelant entre lui et le bourreau, car ce dernier qui s'était emparé d'elle aussitôt l'arrêt ne devait plus la quitter qu'après l'avoir exécutée. Ils entrèrent tous trois dans la chapelle, et pénétrant dans l'enceinte du chœur, le docteur et la marquise se mirent à genoux pour adorer le Saint-Sacrement. En ce moment, il parut dans la nef de la chapelle quelques personnes attirées par la curiosité, et comme on ne pouvait les chasser, et que ces personnes distrayaient la marquise, le bourreau ferma la grille du chœur et fit passer la patiente derrière l'autel. Là, elle s'assit sur une chaise et le docteur se mit sur un banc de l'autre côté et vis-à-vis d'elle. Ce fut alors seulement, la voyant éclairée par la fenêtre de la chapelle, qu'il s'aperçut du changement qui s'était opéré en elle. Son visage, ordinairement très pâle, était enflammé, ses yeux étaient ardents et fiévreux, et tout son corps frissonnait de tressaillements inattendus. Le docteur voulut lui dire quelques paroles pour la consoler, mais sans l'écouter. « Monsieur, lui dit-elle, savez-vous que mon arrêt est ignominieux et infamant? Savez-vous qu'il y a du feu dans mon arrêt ?» Le docteur ne lui répondit pas, mais pensant qu'elle avait besoin de quelque chose, dit au bourreau de faire apporter du vin. Un instant après, le geôlier parut, une tasse à la main. Le docteur la présenta à la marquise qui y trempa ses lèvres et la lui rendit aussitôt. Puis, s'apercevant qu'elle avait la gorge découverte, elle prit son mouchoir pour se la couvrir et demanda au geôlier une épingle pour l'attacher. Comme celui-ci tardait à la lui donner, la cherchant sur lui, elle crut qu'il avait peur qu'elle ne s'étranglât avec, et secouant la tête avec un sourire triste. « Ah, maintenant, lui dit-elle, vous n'avez rien à craindre, et voilà monsieur qui sera mon garant auprès de vous, que je ne me veux faire aucun mal. » « Madame, dit le geôlier en lui remettant ce qu'elle demandait, je vous demande pardon de vous avoir fait attendre. Je ne me défiais pas de vous, je vous jure, et si cela est arrivé à quelqu'un, ce n'est point à moi. » Alors se mettant à genoux devant elle, il lui demanda sa main à baiser. Elle la lui donna aussitôt, en lui disant de prier Dieu pour elle. « Oh oui » s'écria-t-il en sanglotant de tout son cœur. Alors, elle s'attacha comme elle put l'épingle avec ses mains liées, et comme le geôlier s'était retiré et qu'elle se retrouvait seule avec le docteur, « Ne m'avez-vous pas entendu, monsieur ?» lui dit-elle une seconde fois. « Je vous ai dit qu'il y avait du feu dans mon arrêt. Du feu, comprenez-vous bien ? Et quoi qu'il soit dit que mon corps n'y sera jeté qu'après ma mort, c'est toujours une grande infamie pour ma mémoire. On m'épargne la douleur d'être brûlée vive, et on me sauve par là, peut-être, une mort de désespoir. Mais la honte y est toujours, et c'est à la honte que je pense. » « Madame, lui dit le docteur, il est aussi indifférent pour votre salut que votre corps soit jeté au feu pour y être réduit en cendres, que mis en terre pour y être dévoré par les vers, qu'il soit traîné sur la claie et jeté à la voirie, qu'embaumé avec les parfums d'Orient et déposé dans un riche tombeau. De quelque manière qu'il finisse, il ressuscitera au jour marqué, et s'il est désigné pour le ciel, il sortira plus glorieux de ses cendres que certain cadavre royal qui dort en ce moment dans un cercueil doré. Les obsèques sont pour ceux qui survivent, madame, et non pour ceux qui meurent. » En ce moment, on entendit quelque bruit à la porte du chœur. Le docteur alla voir ce que c'était. Un homme insistait pour entrer et luttait presque avec le bourreau. Le docteur s'approcha et demanda ce que c'était. C'était un sellier à qui madame de Brinvilliers avait acheté avant son départ de la France un carrosse dont elle lui avait payé une partie et sur lequel elle lui redevait 1200 livres. Il apportait le billet qu'elle lui en avait fait et sur lequel étaient inscrits fidèlement les différents acomptes qu'elle lui avait donnés. Alors, la marquise, ne sachant pas ce qui se passait, appela. Le docteur et le bourreau allèrent à elle. « Est-ce que l'on me vient déjà chercher ? » dit-elle. « Je suis mal préparée en ce moment. Mais qu'importe, je suis prête. » Le docteur la rassura et lui dit ce dont il s'agissait. « Cet homme a raison, répondit-elle. « Dites-lui, continua-t-elle en s'adressant au bourreau, que je donnerai ordre à cela autant que je le pourrai. » Puis, voyant le bourreau s'éloigner, « Monsieur, dit-elle au docteur, faut-il déjà partir ? On me ferait plaisir de me donner encore un peu de temps, car si je suis prête, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas préparée. Mon père, pardonnez-moi, ajouta-t-elle, mais c'est cette question et cet arrêt qui m'ont toute bouleversée, C'est ce feu qui est dedans, qui brille éternellement à mes yeux comme celui de l'enfer. Si l'on m'avait laissé avec vous tout ce temps, cela eût mieux valu pour mon salut. « Madame, répondit le docteur, Dieu merci, nous avons probablement jusqu'à la nuit pour vous remettre et penser à ce qui vous reste à faire. « Oh, monsieur, dit-elle avec un sourire, ne croyez pas cela, et l'on n'aura pas tant d'égards pour une malheureuse condamnée au feu. Cela ne dépend pas de nous. Quand nous serons prêts, on viendra nous avertir qu'il est temps, et il faudra marcher. Madame, répondit le docteur, je puis vous répondre qu'on vous accordera le loisir nécessaire. Non, non, dit-elle avec un accent saccadé et fiévreux. Non, je ne veux pas faire attendre après moi. Quand le tombereau sera à la porte, on n'aura qu'à me le dire, et je descendrai. Madame, reprit le docteur, je ne vous retarderai pas si je vous voyais prête à paraître devant Dieu, car dans votre situation, c'est un acte de piété de ne point demander de temps et de partir à l'heure voulue. Mais tous ne sont pas si bien préparés qu'ils puissent faire comme le Christ, lequel quitta sa prière et réveilla ses apôtres pour sortir du jardin et marcher au-devant de ses ennemis. Mais vous, en ce moment, vous êtes faible, et l'on viendrait pour vous chercher, que je m'opposerai à votre départ. Soyez tranquille, madame, le moment n'est point encore venu, dit, en passant sa tête près de l'autel, le bourreau qui avait écouté la conversation et qui, jugeant son témoignage irrécusable, voulait, autant qu'il était en lui, rassurer la marquise. Rien ne presse, et nous pouvons n'aller encore que dans 2 ou 3 heures. Cette assurance rendit un peu de calme à Madame de Brinvilliers, et elle remercia le bourreau. Puis, se retournant vers le docteur, « Monsieur, dit-elle, voici un chapelet que je voudrais bien qu'il ne tombât point entre les mains de cet homme. Ce n'est point qu'ils n'en puissent faire un bon usage, car malgré l'état qu'ils exercent, je crois, n'est-ce pas, que ces gens-là sont chrétiens comme nous. Mais enfin, j'aimerais mieux le laisser à quelqu'un d'autre. » Madame, répondit le docteur, voyez à qui vous souhaitez que je le donne, et je le rendrai comme vous me l'aurez marqué. Hélas, monsieur, dit-elle, je n'ai personne à qui je le puisse donner qu'à ma sœur. Mais j'ai peur que, se souvenant de mon crime envers elle, elle n'ait horreur de toucher ce qui m'aura appartenu. Si elle n'en éprouvait pas de peine, ce me serait cependant une grande consolation que cette idée qu'elle le portera après ma mort, et que sa vue lui rappellera qu'elle doit prier pour moi. Mais après ce qui s'est passé entre nous, ce chapelet ne lui représenterait sans doute qu'une mémoire odieuse. Mon Dieu, je suis bien criminelle, et daignerez-vous me pardonner jamais? Madame, reprit le docteur, je crois que vous vous trompez à l'égard de Mademoiselle d'Aubray. Vous avez pu voir par la lettre qu'elle vous a écrite les sentiments qu'elle a gardés pour vous. Priez donc sur ce chapelet jusqu'à votre dernière heure. Priez sans relâche et sans distraction, comme il convient à une coupable qui se repent. Et je vous réponds, madame, que je le remettrai moi-même et qu'il sera bien reçu. Et la marquise, qui depuis l'interrogatoire avait été constamment distraite, se remit, grâce à la patiente charité du docteur, à prier avec autant de ferveur qu'auparavant.